marche, comment tu peux tranquille éloigner les menaces, comment tu peux t'envoyer les princesses de l'espace, au parquet des risques aussi, faut pas trembler, hélas. Le plaisir est à nous, y'en a pour tous les goûts, ça va pas être facile de trouver son style. C'est pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. Son style, bien évidemment, dans Only Rock, c'est possible et c'est maintenant. Pendant une heure et demie, on est ensemble jusqu'à 19h, Fabien Micro d'Only Rock. Et une émission un peu spéciale aujourd'hui parce que voilà, voilà, le micro est là. Je vous donne rendez-vous à 18h30 avec l'interview en direct du groupe orléanais Orpheum Black qui me consacrera quelques minutes pendant leur séance de répétition. Donc voilà, je les remercie. Donc rendez-vous dans une heure, pile poil, avec les membres d'Orpheum Black pour une interview en live. En attendant, on va s'écouter pas mal de bonnes choses, pas mal de chansons, de titres français, mais également internationaux. Et on commence avec une chanson que forcément connaissent beaucoup d'entre vous, Back to Black, bien sûr. C'est Amy Winehouse, sauf que là, c'est un titre enregistré pendant un live au Paradiso à Amsterdam. C'était en 2007 et voilà, précisément enregistré le 8 février 2007, donc il y a tout juste 13 ans, voilà, à quelques jours près. On écoute tout de suite Back to Black, Amy Winehouse, et on enchaînera avec les Arctic Monkeys. Well, he'll sing, oh, Maybe I'm too busy being lost to fall. OnlyRock.com. Et voilà, de retour dans OnlyRock, on vient d'écouter Do I Wanna Know des Arctic Monkeys, bien évidemment, l'album I'm sorti en 2013. Quelques nouvelles récentes du groupe Arctic Monkeys, à savoir que le 5 novembre dernier, le batteur Mardi Bum a laissé entendre que les fans pourraient ne pas avoir à attendre trop longtemps pour le suivi du dernier album Tranquility Base Hotel and Casino. À savoir que Matt Elders a discuté le temps que pourrait prendre Arctic Monkeys pour sortir son 7e album studio. Alors s'adressant aussi récemment à Music Feeds, le batteur du groupe de Sheffield, qui est également composé du chanteur Alex Turner, du guitariste Jamie Cook et du bassiste Nico Malley, a discuté du suivi du groupe de l'album donc Tranquility Base Hotel and Casino, révélant qu'il n'y avait pas vraiment de plan de concret pour l'instant, mais il peut arriver plus tôt que nous le pensons, avait-il déclaré. Donc voilà. On se réjouit de futures nouvelles d'Arctic Monkeys et forcément, on en entendra parler dans OnlyRock. Maintenant, on se tourne du côté d'Orléans et du côté de Rébréchien parce qu'à Rébréchien, vous le savez, il y a un super festival Rock in Rébrèche qui va se tenir le 26 et 27 juin prochain pour les 10 ans. Et puis, puisque vous êtes sympa, nous disait Arnaud Walden, le programmateur du festival et également artiste, il vous donne déjà rien que deux noms pour le samedi 26 juin, Traffic Jam Band, dans lequel officie Arnaud Walden, et l'immense artiste californien Marco Mendoza, voilà, qui fut entre autres le bassiste de Whitesnake, de Thin Lizzy, de Ten Nugent, donc ça sera le 26 juin prochain et le 27 juin prochain à Rébréchien, Rock in Rébrèche. Donc pour ça, on fait honneur à monsieur Arnaud Walden avec son premier groupe de rock, Arnaud Walden qui nous chantait donc « I'm a Superman ». I'm real, I'm a Superman. Yeah. I'm a Superman, c'est bien sûr Arnaud Walden, et si vous n'étiez pas là il y a 3 minutes 30, c'est vous pourrez retrouver Arnaud Walden avec son nouveau groupe Traffic Jam Band le 26 juin prochain aux côtés de Marco Mendoza sur la scène du Rock in Rebrech. Et bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler dans Only Rock. Si je vous dis Sure Shot, vous me dites bien sûr Beastie Boys. On est en 94 quand sort Ill Communication. Voilà, bientôt 10 ans déjà que les Beastie Boys évoluent dans la sphère hip-hop. Faut se rappeler que Cookie Puss, leur premier morceau rap du groupe punk, fait danser en 83 tout le New York Underground. Le virage vers ce nouveau genre musical est donc amorcé. Épaulé d'un certain Rick Rubin, Beastie Boys sort dans la foulée License to Ill, quelques albums, des succès comme des flops et la sortie du disque culte Ill Communication, un disque composé sur l'énergie de la tournée de Check Your Heads. Aux côtés de MCA, de Mike D, de Hard Rock, on retrouve aussi Money Mark, Biz Markie, DJ Hurricane et même Des Moines Tibétains. Rien que ça, je vous laisse avec Sure Shot. You can't, you won't, you don't stop. Oh, 'cause you can't, you won't, you don't stop. Oh, when you can't, you won't, you don't stop. Might be coming down for sure. Yes, indeed, it's fun time. Allez, je vous fais une petite confidence pour information. Dimanche dernier, le 16 février, donc, il y avait la bourse au disque à Blois organisée par la salle, la SMAC, le Château d'Eau. Et j'ai pu dégoter License to Ill de Beastie Boys. C'est pour ça que je voulais qu'on écoute un peu de Beastie Boys ce soir dans Only Rock. Voilà, ces choses faites. On enchaîne avec un artiste que vous connaissez, j'imagine, si je vous dis Ben Harper. Bien évidemment, tout le monde le connaît. With My Own Two Hands, c'est sorti sur l'album Diamonds on the Inside. Alors Ben Harper est considéré comme l'un des artistes majeurs de la scène folk rock internationale. Le Californien, donc Ben Harper Benjamin de son prénom, est en fait aujourd'hui bien plus que ça. En effet, l'artiste de 51 ans aujourd'hui joue une musique certes empreinte de ses deux influences importantes pour lui, celle de Taj Mahal entre autres et celle de Bob Dylan, mais faut pas oublier bien sûr Bob Marley. Et à savoir que les deux Bob sont deux artistes que Ben Harper reprend souvent en scène. Et mais voilà, on peut dire qu'à la fin de sa carrière, enfin à l'issue de sa carrière aujourd'hui, hein, après plus de 20 ans de carrière, il a su se forger un style bien à lui, un style hybride on va dire. With My Own Two Hands, c'est Ben Harper et ce sera suivi par, allez, sans transition aucune, Monsieur Bernard Lavillier et les Barbares. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. We'll be right back.

Je vous en parlais en début d'émission, dans 28 minutes exactement, je serai en interview avec les Orpheum Black en direct dans Only Rock. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche de ce qu'est, si vous ne connaissez pas encore, mais j'en doute, hein, Orpheum Black, on s'écoute tout de suite. Midnight, sorti sur leur premier EP, Acte 1, Midnight, Orpheum Black, c'est maintenant. Night des Orpheum Black dans Only Rock. Alors si vous les avez ratés à Paris le 7 février dernier lors de la soirée Blackout Problems avec 1999, vous les avez peut-être ratés aussi le lendemain le 8 février en gré pour le No Sleep Till Orleans numéro 8. Eh bien voilà, vous pouvez les retrouver tout à l'heure dans 23 minutes pour l'interview exclusive d'Orpheum Black dans Only Rock. On écoutait Midnight sorti sur leur premier EP Acte 1 il y a tout juste une dizaine de jours. Bref, On garde le suspense pour la fin. La suite de l'interview, ce sera tout à l'heure. On enchaîne avec les Burning Heads. Comrade, sorti sur l'album Opposite 2 en 2007. Vous le savez qu'en juin dernier, voilà, il y a quelques mois en arrière, Pierre Mestrinaro, aka Pete Sampras, annonçait en décembre 2018 son départ des Burning Heads, laissant les fans dans l'attente de ce qu'il adviendrait du groupe, qui venait tout juste de fêter leurs 30 ans d'existence, voilà, déjà bien rempli d'albums et de tournées. On sait maintenant que les trois musiciens actuels ont été rejoints par Phil, guitariste lui aussi historique des Burning Heads, notamment présent à l'époque des sorties d'albums du groupe chez Epitaph ou Victory Records, au beau milieu des années 90. Cette nouvelle formation vient de passer quelques jours en studio, mettant à contribution les ressources locales que sont le studio Nima à Saint-Jean-le-Blanc et l'ingénieur du son Sébastien Bedjouruns, secondé par le sondier historique du groupe Guillaume Dudu-Duno. Gageons donc que cette session donnera lieu à la sortie d'un nouveau disque dans les mois à venir sur le label Opposite Prod, qui, je le rappelle, a été créé en 2005, ce label, par le groupe Burning Heads. Comrade, et c'est bien, c'est maintenant. You forget. Comrade, les Burning Heads. Alors moi j'aime beaucoup ce groupe, les Burning Heads, non pas parce qu'ils sont d'Orléans, mais voilà parce qu'un groupe de punk rock qui arrive à se diversifier et à sortir deux albums de dub, voilà comme ça, comme Opposite, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'apprécie beaucoup. Alors on enchaîne avec un groupe qui s'est diversifié mais qui est resté dans la même couleur musicale, je parle bien sûr de Cavalera Conspiracy, et je vous relisais pour préparer l'émission une interview de Max Cavalera, le chanteur et guitariste du groupe, que je trouvais sympa. Alors je vais vous la lire parce que je trouvais ça bien. Voilà ce que Max Cavalera racontait. Cavalera Conspiracy, pour lui, c'est deux frères qui jouent du métal. Après 30 ans à jouer avec Igor, nous avons formé notre entité propre. J'écris les riffs et Igor ajoute sa patte à la batterie. Ensemble, on travaille sur la direction des chansons, si elles doivent être plus rapides ou si elles ont besoin d'un break ici ou là. Voilà, bref, je garde mes chansons de Sepultura pour Cavalera Conspiracy. Maintenant, je ne les joue plus du tout avec Soulfly. C'est plus intéressant de séparer ça parce que Soulfly a sa propre identité, histoire à raconter. Comme ça, Cavalera Conspiracy est la suite de l'aventure de Sepultura. Et ben voilà, c'est clair, c'est net. Et Max Cavalera, on l'écoute tout de suite avec Sanctuary, sorti sur l'album Inflicted en 2008. Et voilà, Cavalera Conspiracy pour le titre Sanctuary, c'était à l'instant dans Only Rock avec Max Cavalera à la guitare et au chant. On va changer de registre complètement, on va aller du côté du rock français. On va écouter le premier album du groupe, du nouveau groupe de Bertrand Cantat, Détroit.

cherche ton horizon. Traverse les cloisons. Ton horizon, Détroit, dans Only Rock, c'est tranquille et ça mérite bien le détour, forcément. Allez, on enchaîne avec du côté de la Belgique. Un groupe qui officie depuis quelques années maintenant, c'est Deus. En 2012, ils sortaient leur album Following Sea. Alors si c'est pas forcément le meilleur album de Deus qui provoque un peu d'excitation sans borne, voilà, il renferme tout de même quelques pépites et prouve une nouvelle fois que le groupe belge a encore des choses à dire. Donc rien que pour ça, on écoute Quatre mains de Deus, un titre que moi j'affectionne tout particulièrement. Go. à 80, forcément, c'est des housses. Forcément, c'est l'album Following Six, sorti en 2012. Alors maintenant, on parle forcément musique anglaise, anglo-saxonne, dans le rock, on parle musique française, mais aussi, bien sûr, musique australienne. Alors, moins connue par le grand public français, Kid Nexus ou Midnight Oil. Je parle bien sûr d'Oudou Gourous, qui n'en reste pas moins l'un des groupes les plus inventifs de cette génération. Porté par le talent de son leader Dave Faulkner, Oudou Gourous a, dès son premier album Stone Age Romeos, posé les bases d'un rock décomplexé, affranchi des frontières terrestres pour puiser ses influences dans la surf music américaine ou dans la pop's 60s ou dans, encore dans l'élégance et la tenue de la vague punk blues incarnée alors par le Gun Club. Alors je vous laisse faire votre opinion avec What's My Sin, un titre qui m'enflamme, c'est les Oudou Gourous. Only Rock, la passion du rock sur le web. What's my sin, les Oudou Gourous. Alors allez, je vous ne fais pas plus languir plus longtemps. L'interview est légèrement décalée de quelques minutes. On se retrouve à 18h40 avec les Orpheum Black. forcément il y a un peu de matos à ranger, des câbles à plier, voilà. Donc dans les 7 minutes, l'histoire de nous laisser le temps d'écouter la mécanique des sourds, ce groupe tourangeau qui malheureusement n'existe plus. Voilà, ils avaient joué pas mal de fois dans la région de Tours, mais aussi au festival Rockin' Chargé que j'affectionne tout particulièrement. Donc leur album sorti en 2012, c'est Sous le Tilleul. Le titre qu'on va écouter, c'est Tilleul. Alors pourquoi ce nom, vous me direz? Alors l'idée du nom, c'est toi, c'est moi, c'est eux, c'est nous, c'est vous et compagnie. Aucun lien avec la chanson de Grégoire, c'est-à-dire l'ensemble de la population qui n'entend plus rien, qui n'écoute plus rien par peur d'y voir plus clair ou de se sentir responsable. Nous sommes tous devenus sourds, abasourdis par nos propres désirs, les oreilles bouchées face à l'agonie d'autrui, indifférents devant les absurdités qui nous régissent, évitant même le bienfait de réfléchir sur le mal fait. Et tout ça, on le fait de façon mécanique. Voilà ce que disait de la mécanique des sourds en 2012. On écoute Tilleul. C'est parti pour 3 minutes 49 de pur bonheur. Et j'ai peur d'à peu près tout, en tout cas ce qui m'amène à réfléchir ou pas du tout. Et j'ai l'air de rien, j'ai le charisme d'un vieux mérou. Je ne suis pas vaurien, il manquerait plus que ça me coûte des sous. Mais j'ai la classe quand même, les yeux tirés par le passé. Je les entends encore saigner à blanc tous mes efforts. Est-ce juste une impression ou pas un moment? Je me sens seul, à pisser contre le vent. On se prend tout le reste dans la gueule. C'est pas plus aujourd'hui sur ce qui me fera crever demain. Mais si quelqu'un m'assassine, ça sera de mes propres mains. C'est pas sucré la vie, c'est pas ce que je croyais. C'est plutôt lent, c'est plutôt chiant. Hey, hey. Je rigole un peu quand même, je castagnais, je giflais. Les attaques de mes peines, j'inventerai jamais l'eau chaude. Mais je me suis déjà brûlé sur des cerveaux à l'arrêt. Bien ancré dans leur fossé, ils traquent, attrapent des uns et des autres. Un grand coup de certitude et de radar sur le dos. T'emmène sur mon chemin où les seuls pélos à croiser seront comme toi un peu chagrin. Y'aura plus rien à visiter, plus rien à embraser. On n'aura plus que nos doigts pour vomir et nos dents pourries pour en rire. Mais c'est vrai, tu verras jamais picher sous le tilleul. Only Rock, la passion du rock sur le web. Alors, sous le tilleul de la mécanique des sourds, pour les plus aficionados, vous aurez reconnu que la batterie tenue par la mécanique des sourds était tenue par FX, qui n'est autre que le batteur des Noatol qu'on a écouté la semaine dernière et qui n'est autre que le batteur tout récemment élu dans le groupe Tourangeau Born to Burn qu'on écoutera encore, j'imagine, pour la sortie de leur prochain album dans Only Rock. Voilà, donc je salue FX que je verrai sûrement très bientôt sur scène. Allez, on enchaîne avec forcément un groupe que j'aime beaucoup, Lords of Altamont. Ils seront en concert le 4 mars au 106 à Rouen et le 31 mars au Rex à Toulouse. On en a pour 2 minutes 40 et après on enchaîne avec Orpheum Black. Ok, Lords of Altamont en direct dans Only Rock avec le titre Get in the Car. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, je vous le rappelle, ils seront en concert donc le 4 mars prochain au 106 à Rouen et le 31 mars au Rex à Toulouse. Alors forcément, c'est un groupe à ne pas manquer sur scène. Allez, on commence, je vous l'avais promis depuis le début. Voilà, ils viennent de ranger un peu leur matos, ils viennent de ranger un peu les câbles. On écoute, on est tout de suite avec, alors je vais vous dire Mélodie d'Orpheum Black, si je me trompe. Bonjour Mélodie. On est en direct dans Only Rock, Mélodie, comment ça va? Bah ça va, je suis en compagnie de Gauthier, le bassiste du groupe. Eh bah écoute, bonjour à Gauthier, j'ai eu le plaisir de lui parler tout à l'heure. bonjour. Voilà, alors pour commencer l'interview, je vais peut-être vous laisser, parce que moi je connais un petit peu Greg et Romain, que j'ai croisé sur des concerts avec leur groupe Wild Dawn, ouais. Donc je les salue, mais je vais peut-être vous laisser quand même déjà présenter l'ensemble du groupe, parce que vous êtes 5 sur scène. Donc je vous laisse présenter vos collègues de travail, si je peux me permettre. Ouais, et ben moi alors du coup c'est Mélodie, en fait je suis chanteuse et clavier au sein du groupe. Ouais. J'ai eu une expérience précédente aussi dans un autre groupe qui s'appelait No Sign Nothing, sur ouais. Orléans également. Tout à fait, ouais. On a Pascal qui est pas avec nous ce soir, mais qui est le batteur, qui lui est tout nouveau sur la scène. Orléanaise, mais qui nous a rejoint en cours de route. Et puis du coup, Gauthier qui est avec moi. C'est ça, donc Gauthier, le bassiste du groupe. J'ai aussi, comme Mélo, été dans un groupe auparavant qui s'appelle The Lunatics, qui était donc aux alentours de Tours. D'accord. Les Lunatics, d'ailleurs, vous avez joué. Alors, je ne sais pas si tu étais déjà sur scène pour les Recurrents du Cœur, là, en octobre dernier. Alors, je n'étais pas sur scène, j'étais quand même dans le public, mais voilà. Non, c'était le nouveau bassiste qui avait déjà pris la place. Eh ben, écoute, c'est déjà très bien d'être dans le public parce que c'est un bel événement, hein, les Recurrents du Cœur. Oui. Voilà, on fait une bise à Fred Gentil qui organise ça avec son assaut arsenic, ouais. Moi aussi également. Donc, vous étiez en répétition, ça s'est bien passé, là, ça va? Ben là, on est encore en répétition. On travaille en ce moment sur une nouvelle composition. On vient de sortir l'EP. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a 15 jours et du coup on perd pas la bonne dynamique, on continue de composer pour la suite, pour avoir encore de nouvelles choses à proposer. Et bah, très bien. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler, Mélodie, un peu comment est né Orphée Black, parce que vous venez tous, là on l'a dit, un peu d'univers différents, de groupes différents. Alors comment l'alchimie s'est créée et surtout les rencontres entre vous cinq? Alors on était tous un peu copains, bon, sauf Pascal qu'on a rencontré après, mais on se connaissait tous. Moi personnellement, je connais Greg et Romain depuis 8-9 ans déjà. Ouais. On se croisait sur scène notamment avec nos anciens groupes, et puis Romain et Greg avaient un projet qui a vu le jour uniquement sur les réseaux, qui s'appelait Mojo Drivers et qui consiste d'ailleurs à faire des reprises, un peu des réinterprétations de projets, enfin de musique rock, de compo rock. Ouais. Et du coup on s'est retrouvés autour d'une reprise d'Anathema. Et puis on a vraiment vraiment bien accroché vocalement. On s'est dit qu'il y avait un truc à creuser autour et de continuer un peu sur le même style que cette chanson qu'on avait repris, qui était Untouchable d'Anathema. Et puis bah, Gauthier était dans le coin et puis il était pas mal motivé, je crois. C'est ça. Bah, je connaissais déjà Romain qui donc est également professeur de guitare, ouais. Avec qui j'ai déjà pris des cours. Donc on a eu l'occasion justement de se rencontrer musicalement, puis il a parlé de ce projet, j'ai tout de suite fait des sessions d'essai, puis finalement ça a accroché dès le début, donc bah voilà. C'est cool, ça, quand ça colle directement, c'est hyper sympa ça. Ouais, complètement. Donc là, on l'a dit, l'EP Acte 1 est sorti il y a tout juste une quinzaine de jours, il est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, tout à fait. Mais le groupe existe depuis 2019, hein, et vous m'avez l'air plutôt bien entouré, bien structuré. On voit à travers Orphée Black et puis la communication que vous avez sur les réseaux, vous avez un projet qui paraît solide. Vous êtes entouré, vous avez des gens autour de vous qui vous font la com, qui vous managent ou qui vous bookent les dates de concert. Comment ça Alors, se passe? Ouais, c'est vrai que déjà le but du projet c'était de se servir aussi de nos expériences précédentes. Pour remonter un projet qui soit dès le début beaucoup plus solide et beaucoup plus dans une vocation un peu plus semi-professionnelle, en tout cas, de proposer quelque chose de carré dès le départ. Et c'est vrai que pour ça, on a essayé d'apprendre, on va dire, des erreurs qu'on a pu faire dans nos précédentes expériences. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est entouré dès le départ déjà de tous nos contacts qu'on a déjà autour de nous, des gens qu'on a pu rencontrer par le passé dans le secteur culturel, notamment sur Orléans. Ouais. Et puis effectivement, on s'est entouré d'Helium 4 notamment pour la presse, qui est une agence, c'est deux petites nanas sur Orléans qui viennent de monter leur agence de développement d'artistes et qui ont accepté de nous suivre. On a travaillé aussi avec un couple de vidéastes orléanais aussi également. Ouais. On essaye de faire tout en local avec des jeunes qui sont aussi motivés que nous pour développer leur projet. Et du coup, ça donne quand même une belle énergie et une bonne motivation pour tout le monde, pour que tout se fasse bien, pour que tout aille dans le bon sens. Bon, en tout cas, le résultat qu'on voit, nous, dans le public, il est plutôt réussi, hein. Alors, ouais. En coulisses, un peu Orpheum Black, comment ça marche dans le groupe? Qui compose? Qui écrit? Comment naît une chanson d'Orpheum Black? Dans Orpheum Black, ça vient principalement d'une base qui est souvent apportée par Greg, donc le chanteur guitariste. Ouais. Qu'après on travaille tous ensemble. Chacun ramène quand même ses influences, donc chacun, soit par rapport au projet, les dernières écoutes, etc., du moment qui nous donne quelques petites idées, histoire de trouver, nous, notre style, vu qu'on est aussi encore en recherche vraiment de notre identité sonore. Ouais. Et après on travaille tous ensemble. C'est vraiment qu'une base, c'est même pas maquetté. C'est chacun y met son grain de sel et à la fin ça nous donne justement nos musiques. Alors là, du coup, dans les textes de vos 5 titres qu'on retrouve sur l'EP Acte 1, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait écrire un peu? Qu'est-ce qui Greg, qu'est-ce qui c'est quoi qui le motive à prendre le stylo? Alors pour ce qui est du stylo et de la plume pour les textes, on travaille tous les deux ensemble vu que. D'accord, Mélodie et toi, Mélodie et Greg donc, ouais. Ouais, voilà, pour parce que c'est le duo vocal et que ça faisait partie de l'idée de départ d'avoir une vraie base vocale, un vrai duo. C'était un peu ce sur quoi on voulait se démarquer et donc on écrit principalement à deux. Après au niveau des sujets qu'on aborde, ils sont assez relatifs au nom qu'on a choisi aussi pour le projet, donc Orpheum Black. On est un peu on se veut un peu comme des conteurs, écrit mais comme des contes qui peuvent à la fois s'appliquer au passé, aux mythes, aux légendes, mais aussi pas mal au temps moderne. On essaie de raconter des histoires. On n'est pas vraiment dans la revendication comme on peut le voir beaucoup dans les chansons rock. On essaye de raconter un peu des scènes, des scènes rapport à la mythologie, rapport à la recherche de soi, à pas mal de choses comme ça. C'est aussi des choses qui nous parlent. Voilà, puis ça peut toucher beaucoup de monde, ça aussi. Oui, oui, complètement. Et puis l'idée, c'est de pouvoir faire le parallèle avec plein de choses. Donc c'est des thèmes assez abstraits et après c'est aux gens de lire entre les lignes. Voilà, puis chacun peut s'imaginer aussi quelque chose à travers les chansons. Alors tu le disais, Mélodie, avec Greg, voilà, vous chantez à deux. Ça, c'est un parti pris dès le départ dans Orpheum Black d'avoir deux chanteurs en front de scène comme ça? Ah oui, c'était vraiment l'idée de départ. C'est ce qui a fait aussi un peu la naissance du projet. Greg voulait à la base, en fait, voulait vraiment créer un duo vocal avec moi suite à cet enregistrement qu'on avait fait pour cette reprise d'Anathema. Et du coup c'était comment arriver à intégrer à la fois une voix féminine même s'il y a du coffre, ramener une certaine sensualité, un peu une certaine féminité dans la voix, et en même temps l'opposer avec une voix beaucoup plus grasse, une voix beaucoup plus rock. Et puis c'est un challenge aussi de travailler les harmonies et les envolées lyriques. Oui, alors ça, du coup, ça m'amène à la question suivante. C'est facile, du coup, d'avoir des envolées comme ça lyriques en écrivant en anglais, en chantant en anglais? Alors, pas toujours. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est assez instinctif et des fois, ça ne l'est pas du tout et ça nécessite un travail beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est ce qui nous intéressait, en fait, dans le travail aussi d'acquérir aussi de nouvelles compétences aussi, de pas rester sur nos acquis et avec ce nouveau projet, en fait, d'aller chercher un peu ailleurs, parce que quand on chante seul, c'est assez simple finalement. Même en live, si on chante un peu à côté, on met personne en porte-à-faux, alors que là, quand on est à deux sur scène, il y a un vrai. On est vraiment les coudes serrés, en fait. On est obligé de se regarder, de s'écouter. C'est complètement un autre travail et c'est ça qui est intéressant. Bah, j'imagine. Alors, on découvre les 5 premiers titres de votre EP là, qui est sorti il y a tout juste 15 jours. Alors, l'EP, c'est le format EP, c'était une obligation de par votre entourage, ou c'était vraiment un choix de votre part délibéré pour commencer tranquillement? Non, disons que on avait envie de faire naître le projet aux yeux du public, enfin aux oreilles du public, assez rapidement. Et en fait, comme le projet on a démarré le projet en décembre 2018. C'est vrai que même si on a déjà une heure de set, on voulait pouvoir passer en studio assez rapidement et puis pouvoir présenter quelque chose rapidement au public. Et du coup, le 5 titres pour un début de projet, ça nous paraissait être le meilleur format pour prendre le temps derrière de travailler sur un vrai album. Ouais, alors déjà un EP, ça se travaille, et puis le vôtre là, il est plutôt très très bien fait, parce que moi j'aime bien le visuel sur les albums, et il est sorti également en vinyle. Alors la pochette de l'album Acte 1 de l'EP, la photo, elle est magnifique, je trouve. Vous êtes tous les 5 dans une rivière, voilà, avec de l'eau au niveau du genou, dans la Loire, voilà. ça, le visuel, l'image du groupe, c'est quelque chose qui est important pour vous cinq. Vous y prenez part, vous avez des choix, vous, ou alors vous vous en remettez complètement à quelqu'un d'autre extérieur au groupe. Comment ça marche, ça, le travail du visuel avec pour Orphée en Black? Eh ben c'est moi. c'est moi la graphiste du groupe et dans un souci de temps mais aussi de direction artistique sur ce premier EP, on a voulu rester entre nous. Donc je me suis occupée de toute la partie visuelle. Après, je pense que à l'avenir, on va travailler certainement avec d'autres artistes. Ouais. Mais c'est vrai que on avait une vraie volonté, tout comme le fait de présenter un projet carré sur scène et sur le studio, on avait aussi la volonté d'apporter quelque chose de propre, parce que ça fait c'est comme ça qu'on se fait remarquer aussi, que les gens nous retiennent. Et puis ça montre aussi une démarche de notre part de faire les choses au plus professionnel possible. Et puis c'était aussi la volonté de nous montrer, de pouvoir coller avec l'esprit artistique musical, de donner un peu le ton du projet. Bah, en tout cas, le rendu est bien fait, et j'imagine que c'était aussi important pour ça d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc le coup est bien joué, bravo à toi. Merci. Pour l'enregistrement de l'EP, pareil, vous êtes resté dans un circuit court, vous êtes resté autour d'Orléans, sachant qu'il y a pas mal de studios sur Orléans. Comment s'est passé l'enregistrement de l'EP? Pour l'enregistrement, justement, comme vous dites, on est resté aux alentours, dans la proximité. Ouais. C'est Romain, donc le guitariste soliste du groupe, qui a son propre studio, justement, chez qui on est allé pour enregistrer l'EP. Du coup, tout s'est passé de son côté, où il a travaillé avec l'un de ses amis, justement, pour avoir une deuxième paire d'oreilles, histoire de ne pas être enfermé dans une sorte, pas d'idéologie, mais de chacun a ses oreilles et perçoit la musique d'une autre manière, donc d'avoir des retours extérieurs. C'est ouais. Ça. Oui, c'est important. Donc, l'EP est sorti, on l'a dit, acte 1, il y a une quinzaine de jours. Ça veut dire que ouais. Vous travaillez sur des nouveaux morceaux qui vont amener un album à venir ou pas? Dans l'idée, le premier EP, pas que ce soit un coup d'essai, mais c'était comme l'a dit Mélo, justement, histoire d'avoir quelque chose à proposer, ouais. De pouvoir partager nos musiques assez rapidement. L'album, je pense que c'est le prochain pas. On est en train de se pencher dessus, justement. Et puis on réfléchit surtout à au bout d'un an, voilà, quel est le bilan sur la direction musicale qu'on a pu prendre, et puis on va essayer en fait de peaufiner toujours le style musical, mais aussi le style graphique, la direction artistique globale en fait de ce projet. Bon, bah très bien. Alors Orphée en Black, il y a des projets qui se pointent à l'avenir, il y a des envies qui arrivent. Des envies, c'est-à-dire? Bah alors, je parle de projets, peut-être des scènes ou une actualité ou un clip à venir. On va tourner bientôt. Dans quelques semaines, on va effectivement avoir un tournage. On peut pas trop en dire plus pour l'instant, mais on a des projets de clips qui arrivent, aussi bien de live que de clips. Mis en scène, et puis effectivement on a des dates de prévues. Alors on sera à l'Astrolabe à Orléans, notamment le 4 avril déjà. Bah super, nickel, voilà. Et puis au mois de juin on sera aussi au Label Trempe à Chalette-sur-Loing et au Geek Ferries qui est un festival au château de Selles-sur-Cher. Eh ben très bien. Alors le Label Trempe, c'est excellent parce que ça va vous permettre d'avoir des vidéos de très très bonne qualité. Il y a une installation ouais, vidéo ouais. Là-bas qui est excellente, ouais. Ouais. Et pour les projets à venir, est-ce que vous avez déjà l'idée, parce que à travers vos différents groupes là dans lesquels vous évoluez dans le passé, est-ce qu'il y a des collaborations à venir auxquelles vous pensez avec d'autres artistes orléanais ou pas? Alors on y pense. On y pense, on en discute, c'est vrai que on connaît pas mal d'autres musiciens sur Orléans et avec ce projet, le fait de travailler et d'être vraiment dans la volonté de faire converger un peu les énergies sur le secteur musical orléanais, on essaye de monter un peu des projets de plateaux communs avec d'autres groupes de rock orléanais, et pourquoi pas effectivement des compositions communes. Eh ben écoute, c'est très bien tout ça. Ça promet des belles semaines à venir. En tout cas, je vous remercie pour ce moment partagé avec Only Rock. On rappelle les dates. Merci donc la prochaine, c'est le 4 avril à l'Astrolabe. Et puis, on peut vous suivre sur tous les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais. Instagram, j'allais dire Twitter, mais pas du tout. Non. Instagram, Facebook. Et puis, on est sur les plateformes, sur toutes les plateformes de téléchargement. Très bien. On va écouter Acrasia, qui est le deuxième titre sorti sur l'album Acte 1, sorti il y a tout juste une quinzaine de jours. Ok. C'est parti. Acrasia d'Orpheum Black dans Only Rock, comme le disaient Mélodie et Gauthier qu'on avait en interview il y a tout juste quelques minutes, le 4 avril ils seront en concert à l'Astrolabe, la Smack d'Orléans. Vraiment un concert à ne pas rater et je pense que j'y serai pour leur faire un petit coucou. Voilà, Only Rock c'est terminé, les 19h passées de 3 minutes. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances, alors forcément il y a un peu de repos, je vais être off mardi prochain, mais on se retrouve mardi début mars, là j'ai plus trop les dates en tête, mais dans 15 jours, sans problème, on se retrouvera. Et puis je vous le dis, voilà, le lundi 24, 19h-20h, on fera l'émission 0 en direct de Bérénice Simonet, qui est la nouvelle recrue de Radio Web Passion. Donc voilà, je vous le dis, on va pas trop l'annoncer, mais si vous voulez être à l'écoute de la toute première émission de Bérénice, ça sera lundi 24, 19h-20h, sur radio-webpassion.com. Bonne fin de soirée à tous, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours dans l'Irock avec une émission qui sera plutôt rock'n'roll. Ciao, ciao! Dernier mot d'Only Rock, on se retrouve donc le mardi 3 mars, alors d'ici là, le 4 avril, également en concert, un festival Mavrika 12, Mavrika Live 12, ce sera le 4 avril à l'espace Bérère de La Chapelle Saint-Mémin, avec Melody Road, Custom, Yeti et le duo Dook qui sera en interplateau, ça commencera à 18h30, l'entrée est à 8€. Pour les adhérents de Mavrika, l'assaut, c'est gratuit. Et si vous voulez adhérer à l'assaut le 4 avril, c'est possible, ça vous coûtera 10€. Et l'entrée, du coup, sera gratuite pour vous. Mais on en reparlera dans Only Rock. Rendez-vous le 3 mars prochain dans Only Rock. Bonne fin de soirée à tous. Ciao, ciao!